Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosecrans.com pour le 63e numéro de Sur nos écrans, celui peut-être que vous attendez le plus après avoir écouté nos derniers débriefs, notamment celui concernant Batman v Superman. Aujourd'hui, on va vous parler de Suicide Squad, le film de l'été, d'après la presse, avant la sortie du film, précisons-le. On va voir maintenant ce qu'il en est pour nous. Vous avez entendu un petit peu les échos de la presse et des critiques qui sont pas forcément très très bons. On va voir si on aura droit au même clash que pour Batman v Superman dans l'équipe. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 63e numéro de Sur nos écrans. Et pour ce débrief de Suicide Squad, beaucoup d'habitués, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Ça commençait bien, j'avais oublié ton prénom. Et merci. Léo. Salut. Et puis un guest pour ce numéro qui avait réagi sur Twitter à nos derniers débriefs de film, mais à qui on a proposé de venir faire le prochain. Le prochain, c'est Suicide Squad. On accueille donc aujourd'hui Conan McFly. Salut tout le monde. Et donc, on se contentera de Conan pour la suite, si ça te dérange. C'est mieux. Juste Conan, tu sévis un peu sur les internets, un peu parler, profiter un petit peu de ce début d'émission pour nous dire un petit peu ce que tu fais, notamment ton blog. Bon d'abord ça sera Twitter principalement où je suis le plus actif et où je parle énormément de graphisme, typographie, tout ça, parce que c'est en partie mon métier, mais au fil des discussions avec tous les cinéphiles que j'ai pu rencontrer, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de créer un blog autour de l'affiche, et notamment l'affiche de cinéma, donc j'en ai commencé un il n'y a pas longtemps, Crayon Flambé s'appelle, et l'idée, voilà, ça serait de faire des critiques d'affiches, des avis, et faire découvrir aussi une sélection d'affiches tous les mois pour faire découvrir, voilà, ce support de communication qui est quand même le premier vecteur et le premier véhicule d'histoire au sein de l'œuvre cinématographique. Moi, un truc qui m'a fait kiffer quand tu m'as dit ce que c'est. Je vais aller voir parce que ouais, c'est un truc assez intéressant. Donc, j'imagine que tu parles aussi de technique en termes de composition, etc. C'est ça. Et il y a un truc que j'aborde particulièrement dedans, c'est ce qu'on a, la sémiologie, en fait, donc l'étude des signes. C'est vraiment montrer que les symboles, la couleur, les signes, le sens, la direction, la composition, la photo a toujours un sens, en fait, comme au cinéma. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi, que voilà, tout est réfléchi, et il y a toujours quelque chose derrière. Et c'est pour ça que on va essayer d'en parler ici aussi avec ce film. Allez, donc, on va parler de Suicide Squad ce soir. Je l'avais dit à la fin du podcast sur BVS, que le DCEU, pour moi, c'était stop. En tout cas, tant que Monsieur Snyder serait présent. Donc, je me suis tenu à ça. Je n'ai pas vu le film comme promis. Alors, évidemment, il y a des petits malins qui pensent encore que je vais vous refaire le coup d'Apocalypse. C'était Apocalypse, je vous avais dit que je n'avais pas vu. Vous verrez à la fin de l'émission. On va commencer par un avis rapide de chacun, comme on fait chaque fois, histoire de donner un peu le ton de ce podcast. Et vous allez voir que le ton va être rude. Arnaud, juste en 2-3 phrases. C'est pas la catastrophe annoncée par la critique américaine, mais c'est vraiment... c'était mauvais. On sent un patchwork de plusieurs montages, et c'est ce qui a été révélé après, au moment de la sortie du film, qu'il y a eu au moins près d'une dizaine de monteurs qui ont touché au film. Que c'est pas la version d'Ayer, puisque David Ayer avait fait une version plus sombre, que DC a choisi d'édulcorer après les mauvaises critiques de BVS, et on sent les améliorations. D'ailleurs, c'était pour ça, on y avait eu des rumeurs de scènes rajoutées juste pour du fun, parce que c'est ce qui manquait soi-disant à BVS, et on sent qu'ils ont juste fait ça, qu'ils ont rajouté ça dans le film. Trop de place, on donne trop de place à Will Smith. Et quand on fait une promo sur un film avec des méchants et qu'il n'y en a pas un plus méchant que l'autre, c'est pitoyable. Et surtout quand on essaye de copier Deadpool avec certains personnages, c'est okay. Pitoyable. Ok. Clément, juste deux phrases. Enfin, pareil, j'ai dit pareil, car non, ce qu'elle fait un peu plus. Mais... C'est très mauvais. Pour moi, c'est une vraie purge. ils ont massacré nombre de personnages, notamment le Joker et Harley Quinn, on en reparlera. Scénario... Mon avis, les menteurs, ils sont pas passés que sur le film. Ouais. Le scénario, c'est une vaste blague. Car c'est il y en a pas. Il y en a pas. Au moins, dans BVS, il y avait un minimum de scénarios. Oui, il y avait trois scénarios dans BVS. C'est ça. Ouais, comment dire non, c'était mauvais, quoi. Ok, c'est. Enfin, je peux même pas dire que c'est fun parce que déjà, oh non, le scénario est pas intéressant. Les personnages sont clichés. Les scènes d'action, ouais, bof. Et ce qui est censé être drôle, en fait, les pas vraiment. Donc, ouais, non, c'est une purge. D'accord. Ça va être sympa ce soir. Conan, est-ce que tu vas un peu ajouter de positif là-dedans? Ouais, positif dans le sens où c'est vrai que moi, j'en avais discuté, pareil sur Twitter, c'était que quand je regarde un film, je le vois de deux manières. C'est comme produit de divertissement industriel et comme œuvre d'art. Et donc, si on le prend comme tout simplement un film sur lequel tu vas payer 5 à 15 balles pour aller passer un bon moment où tu vas juste être diverti, ça a fait le boulot. J'ai eu des retours aussi autour de moi et mes potes étaient plutôt satisfaits du film et ils se sont pas pris la tête, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas lecteurs du comics, ils ont vu un film qui leur a satisfait. Maintenant, si on regarde un peu plus loin et qu'on s'attache à tout ce que vous avez pu dire, hein, que ce soit le traitement des personnages, le scénario, la réal, bah c'est une belle merde, quoi. C'est bah voilà, et... le mot est posé, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un... bon, voilà, c'est pas une grosse merde comme Independence Day, Résurgence là dernièrement, mais voilà, au moins ça fait le boulot de divertir, mais qu'on demande pas aux fans de critiquer parce que on va le défoncer. Oh, okay. Eh bien, il nous reste plus que Léo. Je connais sa note pour le film, donc je sais ce qu'il va vous dire, mais bon, allez, Léo, est-ce que toi tu l'as un peu aimé? J'avais dit dans le podcast sur BVS que quand DC, il commence comme ça, c'est jamais bon. Voilà, j'avais dit dans le podcast sur BVS que surtout j'avais pas aimé BVS, notamment au niveau cinématographique, et là c'est encore pire. DC se fout de notre gueule, en fait. D'accord. Mais bon, surtout la Warner, en fait. Voilà, j'avais aussi dit que notamment il y a encore moins subtil que Zack Snyder, c'est un producteur de la Warner. Ouais, bah non, mais c'est un producteur de la Warner toujours, parce que de toute façon, bah, ils ont encore des idées de saloper leur film et de saloper leur truc. C'est nullissime cinématographiquement, il y a rien à sauver. Enfin, c'est mal monté, c'est mal réalisé, c'est mal foutu, c'est mal écrit, c'est mal tout. C'est de la merde. Non, mais oui, enfin, je m'attendais vraiment à une grosse catastrophe, tu vois, après avoir vu les critiques. Oui. Je suis allé voir, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est pas entièrement infondé. Donc oui, c'est voilà, DC et Warner ont décidé de nous faire des films en disant oui, on va faire par principe, on va pas faire comme Marvel, on est un peu dans le traitement des personnages sombres, torturés, etc. Donc du coup on fait des films d'auteur à super-héros, mon cul. C'est un film qui nous prend pour des cons, voilà, qui nous pour qui la profondeur c'est on est des méchants mais quand même on est humain. Donc voilà, c'est un nouveau foutage de gueule et la Justice League ça va être une encore plus grosse blague. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve à la rentrée. bon, je l'ai pas vu, donc je vais pas. Voilà, mais c'est un peu globalement, dans la plupart des podcasts que j'ai pu écouter, ça faisait bien longtemps que j'avais pas entendu de podcast sur des films de comics. Ouais, effectivement, j'ai un peu entendu tout ce que vous m'avez dit là, et voilà. Franchement, je suis super content de pas avoir payé. C'est vrai, t'as raison. Voilà, et si je peux faire un hommage, une pensée pour mon frère qui a payé 12,60€ sa place pour aller voir cette merde. Ouais, c'est quand je vois les prix, je suis content de payer que 4€ moi pour le cinéma. Donc. Moi, j'étais pas content d'avoir payé 8,60€ pour voir une merde pareille. Attendez le DVD rip et voilà. Ou je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça le mérite. Je veux dire, je parle pour les complétistes qui veulent absolument voir tous les comic books movies, quoi. Et moi, je vous dis, on est à deux doigts d'avoir une extended cut comme on avait pour BVS. On va vous le donner, ce qu'il avait prévu. Vous allez voir, c'est vachement mieux et ça permettra à Warner France de faire une communication incroyable comme ils ont fait cette semaine. Mais je n'avais jamais vu ça. Aller poster sur Facebook et Twitter des photos avec juste le visuel du DVD derrière et te marquer 100% des spectateurs préfèrent la version longue. Et en dessous, avec une petite étoile, d'après les opinions recueillies à l'issue d'une projection, donc c'est-à-dire, en fait, ils ont invité des gens pour voir la version longue et ils leur ont demandé « C'était mieux ou pas que l'autre ?» Bah, on va pas te dire non si on veut revenir. Donc voilà. Mais de toute façon, il y en a ras-le-bol de ce régime de version longue pour dire ah non mais attendez, mais ce sera mieux dans la version longue. Oui, bah ça va, si vous êtes incapable. Si vous êtes incapable et infoutu de faire un film bien monté, c'est-à-dire que là, n'importe quel étudiant en école de cinéma, là, il fait mieux que ce que fait David Ayer, ou même que les 15 monteurs qui se sont succédés, parce que visiblement il y en a eu plusieurs, voilà, arrêtez de faire du cinéma et arrêtez de nous vendre vos films, et arrêtez de nous vendre vos films comme des films d'auteur, parce que comme ça on les critique comme des films d'auteur, et vous prenez bien cher dans votre gueule, ça vous apprendra. Voilà, il y en a vraiment ras-le-bol. Tu vois, Marvel, ils nous prennent pas pour des cons comme ça. Marvel, ils nous vendent l'Amérique. Au moins ils nous le disent. Au moins ils ont la décence de nous le dire. Ils se foutent de notre gueule. C'est un point, c'est tout. Là, pour le plus drôle, c'est Ayer qui dit à l'avant-première, fuck Marvel, on fait des films. Je suis d'accord avec Léon. Et pourtant, alors il y a pas de Léon, mais d'accord. Dieu sait que je préfère l'univers de DC Comics en général, mais c'est vrai qu'au moins quand je vais voir un film Marvel, j'ai pas l'impression d'être pris pour un gros con. Oh, quand même. Non, mais franchement. Mais on te le dit honnêtement. Bref, on va avancer un petit peu quand même parce qu'on va essayer de voilà, là on a, vous avez bien dit pourquoi vous n'aviez pas aimé, que voilà, c'était une sombre bouse pour certains. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir pourquoi, qu'est-ce qui pêche, est-ce qu'il y a quand même 2-3 choses à sauver dans ce film. Je ne sais pas, vous allez me le dire. J'allais vous dire, essayez de me convaincre de le voir, mais visiblement non. On va commencer, oui. J'aurais été tenté de te dire peut-être les musiques employées, la BO, mais en fait non, parce que ça ne sert à rien. Les musiques, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler dans les avis que j'ai pu écouter et lire. Donc on en parlera de ces musiques. On va commencer juste, voilà, rapidement par le casting. Merde. Ils sont tous nuls. Voilà, c'est une autre question. On va quand même faire à la manière habituelle. On va commencer par celui qui était le plus attendu dans ce film. Oh mon Dieu. Le Joker. Je peux commencer. Un affront. On va terminer de le présenter avant de se lancer. On va essayer d'être un peu discipliné. Le Joker, qui était quand même le retour du personnage après l'interprétation d'Heath Ledger. On peut remonter aussi plus loin jusqu'à Jack Nicholson. On nous promettait un Joker incroyable, une prestation voilà qui allait marquer les esprits, etc. Enfin voilà, parce qu'on savait qu'on allait le comparer à ces deux géants. Maintenant, est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que peut-être on n'aurait pas dû mentionner les noms des autres dans la promo? Voilà, que vaut Jared Leto, et est-ce que on le voit autant que ça dans ce film-là? Avant de donner notre avis. Oula. Oh pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, avant qu'on donne notre avis, c'est vrai que je pense que je vais être d'accord avec tout le monde, mais ce qu'on m'a aussi demandé, c'est de faire attention, c'est parce qu'on n'a pas énormément vu le Joker de Jared Leto comme on a pu voir celui de Heath Ledger en termes de temps d'exposition. Alors, combien de temps il apparaît à l'écran? 5 minutes, max. Bref, voilà, il a une grosse scène, à un moment, puis après, c'est parcours, court tranche de quelques secondes, et c'est vrai que c'est pas énorme du tout. Mais pour le peu qu'on a vu, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que. Bon, alors, si je peux commencer, parce que je tant qu'à faire, je suis lancé, hein. concrètement, alors, Jared Leto, je n'ai rien contre lui, je trouvais que c'était un super choix, parce que c'était quelqu'un qui maîtrise la folie, qui sait se l'approprier, etc. En soi, dans sa performance d'acteur, il n'est pas si horrible, mais le personnage n'a rien à foutre dans ce film. Tu le mets ou tu le mets pas, c'est le même film, et ça reste toujours la même merde du reste. Mais Jared Leto, le Joker n'a rien à faire. On nous donne une origin story pour faire du fanservice, mais à mort sur le Joker et Harley Quinn, nous sortir 2-3 scènes iconiques, et basta, c'est posé. À un moment, le Joker meurt, entre guillemets, dans cette espèce de crash d'hélicoptère auquel personne ne croit, et il revient à la fin en mode Deus Ex Machina, voilà. Le Joker, c'est une communication mensongère. On nous l'a quand même survendu, ce Joker. Il apparaît sur les affiches, il apparaît en deuxième position, Jared Leto, tu vois. On nous le vendait et tout, on nous le vendait peut-être comme un appui de la Suicide Squad, un élément perturbateur. Rien. Il n'a rien à faire dans ce film. C'est dommage, c'est du gâchis. Il est carrément une sous-intrigue du film, il n'a rien à voir avec le reste. C'est du gâchis. Il est pitoyable. Enfin, j'ai détesté cette revisite du personnage en une espèce de gangster, racaille. Voilà, c'est gangster, vrai, c'est racaille. Série B, quoi. Warner n'a rien compris au Joker. C'est tellement cliché et pitoyable. Ils n'ont rien compris au Joker, visiblement. Enfin, c'est, ah non, c'est une, mais... catastrophe. Encore, la relation Batman, Joker, ils n'avaient rien compris à Superman. Ils n'ont visiblement pas compris grand-chose à Wonder Woman non plus. Batman, là, il, est un peu... il apparaît dans le film. Il apparaît deux minutes, même pas. Déjà, j'ai cru faire attention à la Batmobile. Il n'y avait pas de... Dans les flashs, parce que c'est des flashbacks, sa Batmobile n'avait pas de mitraillette. D'accord. Oh, dis donc. Mais il y a la lumière, hein. Mais je sais pas. Et le lumière, donc, du coup, voilà. Plus personne. Ah, oh, bah dis donc. Alors, non, putain, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Allez, Joker, on passe. Allô ? La deuxième. Oui. La deuxième personnage la plus attendue, parce que du coup, je sais pas si c'est la plus importante, ça se trouve, c'est la même arnaque que le Joker. Harley Quinn, Margot Robbie. J'ai le droit ou pas là ? Vas-y, Clément. Bon, alors déjà, le Joker a un même avis, ils ont voulu faire un mixte entre Nicholson et Heath Ledger, c'est loupé, c'est de la merde. Et comment dire, Harley Quinn, j'ai eu l'impression qu'ils se sont torchés le cul avec le personnage. Bah, en même temps, voilà, je vais recentrer un petit peu le personnage dans les comics en ce moment. Voilà, on va avoir un Harley Quinn Rebirth où elle va affronter des zombies, donc bon. Hein. Non, mais c'est pas ça. Je... Après. Moi, c'est Suicide Squad qui va affronter des zombies. Enfin bref, voilà. Ouais, moi, j'attendais quand même qu'on ait une caractérisation d'Harley Quinn qui soit un minimum proche de ce qu'on a pu trouver dans, bah, pour le coup, la série télé ou même ce qu'on peut trouver. Oui, enfin voilà, c'est pas Paul Dini à l'écriture. Ouais, enfin, si on veut avoir du Mad Love, ça va être voilà, comme non, non. En tant que, mais en tant même pas. C'est une catastrophe. Le personnage, si on oublie de côté qui elle est, le personnage. Oui. Et le personnage qui fonctionne le mieux dans le film. Oui, à la rigueur. Mais en soi, si on veut vraiment regarder le personnage et toute son historique, c'est une très mauvaise adaptation. Ah oui, non, mais voilà. Je veux dire, et encore pire, sa relation avec le Joker qui est... Ils n'ont rien compris à la relation non, entre eux. Effectivement, si tu prends le personnage d'Harley Quinn comme, on va dire, pur personnage cinématographique, si tu fais abstraction... si tu fais abstraction de tout son historique en termes de comics ou de séries de séries télévisuelles, effectivement le personnage peut fonctionner, c'est l'un des personnages qui tient relativement la route. Ouais, et encore moi je suis pas trop d'accord. Et encore j'ai pas trop aimé, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était, enfin l'actrice s'en sortait relativement bien dans ce personnage. Maintenant, elle s'en sort le mieux, ouais. C'est elle qui s'en sort le mieux pour moi. Maintenant, en termes d'adaptation, parce que c'est quand même une adaptation, c'est totalement raté. J'ai pas retrouvé la Harley Quinn. Enfin moi, j'ai pas trouvé le fun de Harley Quinn. Certes, elle est un peu l'aspect folle, mais vraiment pas pour la folie poussée comme j'aurais aimé la voir. Ouais, attention, elle entend des voix. Ouh là là. Oui, et comme tu disais, Arnaud, sa relation avec le Joker est... Bah, c'est les bisounours, hein. Son non, mais ouais, c'est l'un de l'autre. Le Joker qui roule des pelles à Harley Quinn, mais c'est... Mais non, mais tout en oubliant complètement que c'est un psychopathe qui l'a maltraité, qui a abusé d'elle. Mais non, en plus, dans le film, à un moment... Ils rêvent tous de leur plus grand rêve. Oui, alors et le plus grand rêve d'Harley Quinn, c'est d'épouser le Joker et d'avoir un enfant avec lui. Non, mais ça, mais. Ah, ça, alors, ça me dérange pas trop. Elle l'a fait dans son histoire, mais. Non, mais Mathieu, c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça va. Banlieue, lui, totalement sapé, normal, style banquier, et elle, mère de famille qui vit en banlieue. Ah, d'accord. Bien propre, etc. Conan, ton avis sur cette Harley? Moi, j'aurais bien aimé avoir une femme aussi dans notre émission là pour en discuter, mais c'était. Il y a un gros problème avec ça. Hein. Ça, c'est clair que vis-à-vis de l'image de la femme dans ce film-là, ça. Ah, voilà. Bon, t'as compris là où voilà. Je veux en venir, c'est l'objectification et l'hypersexualisation. Il y a un très gros problème. Il y a un énorme problème. Alors moi, je vous le dis, j'ai compté parfois. À un moment, je me suis. Léo, il ne laisse parler personne. Je suis désolé, Conan. C'est comme ça. C'est comme ça quand je suis énervé par un film. Je m'excuse d'avance. C'est pour ça que je me suis dit, je te laisse parler. Voilà, il y a un problème avec Harley Quinn, c'est que elle est, enfin, il y a un nombre de plans de dos, voilà, il y a un nombre de, voilà, il y a un moment on peut, il y a un nombre de plans de dos d'Harley Quinn, c'est hallucinant, c'est sexualisé à mort, c'est une, enfin c'est horrible pour l'image de la femme. Voilà, c'est dégradant, elle est tout le temps quasiment en cul. je suis désolé, putain, mais allez acheter des putains de comics et allez comprendre un peu vos personnages avant de les mettre avant de les foutre au cinéma. Le Joker et Harley Quinn, c'est la plus grosse incompréhension de comics que j'ai jamais vue. Et il y en a eu des films avec des personnages, tu vois, qui sont introduits. Là, c'est pas possible. Oui, bon, ça, oui, bah, d'accord. Non, mais, Harley Quinn, elle est objectisée, elle est amenante. Enfin, on vient de. Alors, le problème, c'est qu'à un moment, elle se met parfois à dire des trucs, tu vois, qui peuvent avoir du sens par rapport à sa folie, par rapport à d'autres trucs, etc. Et on la laisse pas parler. Enfin, elle est complètement foutue de côté quand elle a quelque chose d'intéressant à dire. Et quand son cul, tu vois, est en ligne de mire, eh ben, ils en manquent pas une. Voilà. Donc, visiblement, Warner n'a rien compris. Enfin, ils ont décidé de faire, enfin, ils se sont dit, allez, on va faire du divertissement, on va finir le cul d'Harley Quinn. Merci. Bravo pour les fans, bravo pour les gosses qui vont voir le film, bravo pour les mecs qui vont voir le film en espérant avoir un divertissement. C'est n'importe quoi. Ça m'énerve trop, je m'arrête. En même temps, quand on est dans un univers où dans BVF, Wonder Woman écarte les cuisses quand elle se fait projeter par Doomsday et qu'on insiste bien sur Wonder Woman qui écarte les cuisses. Voilà, quand on a un personnage, quand on a une relation sexuelle, on voit pas le visage de la femme dans le même film. Fallait pas s'attendre non plus, voilà. Hein. Et quand en plus tu apprends dans quelques jours avant la sortie du film qu'on t'a raccourci volontairement le short d'Harley Quinn. Ah oui, non. Le short a toujours été court comme ça. Et c'est dans un spot TV qu'ils ont rallongé le short parce qu'ils pouvaient pas montrer les fesses à la télé. Et donc il se rentrait bien, ça pouvait pas être plus court. Oui, non, de base, ils voulaient qu'il soit court. Voilà. Bref, ça peut pas être plus court, de toute façon. On va essayer de finir Conan sur cette Harley Quinn pendant que je calcule votre moyenne. Ouais, bah du coup oui, donc bon, ça a déjà été dit, hein, l'objectification, l'hypersexualisation du personnage, mais il y a aussi le tout simplement et même ce que vous avez dit par la relation par rapport au Joker, quoi. C'est juste un espèce d'objet, un espèce de faire valoir. Totalement. Mais oui. Je vois pas du tout en fait l'intérêt d'avoir comme on en a parlé avec l'intérêt d'avoir le Joker. Le Joker était là, pas là. Il y a quand même une scène plus justement de ça. Il y a un flashback où il est dans un club avec un mec et tout ce qu'il parle c'est du physique d'Harley Quinn. Il lui dit elle est bonne, ta meuf. Il dit tu la veux, vas-y prends-la. Il parle que de ça. Vraiment, elle est juste objectifiée en tant qu'objet sexuel. Ah oui. Et en plus tu parlais de l'intérêt de la. Enfin, je sais même pas si on peut parler d'intrigue, la présence du Joker. Moi, j'ai juste eu l'impression, je me suis dit ça un moment, qu'en fait, Suicide Squad, ils ont juste fait ce film, ça a été un prétexte pour introduire le Joker. Ah ben, totalement. Et... il est complètement déconnecté du reste. Tu supprimes le Joker, la scène du Joker, t'as le même film. Mais il sert à rien, ce Joker. Il sert à rien. Ils l'ont introduit pour dire, regardez, on va faire une suite à Heath Ledger, on va enfin faire un truc nouveau, mon œil. Il n'y a rien de nouveau. Il sert à rien. Son intrigue sert à rien. Et Harley Quinn, enfin, pour toute profondeur, la profondeur d'Harley Quinn, pour eux, c'est son cul. Mais putain, allez, je sais pas, réapprendre à faire des films, allez réapprendre à traiter des personnages. Il y a un problème d'origin story, parce que c'est vrai que c'est un nouveau Joker qu'on a, et on n'a pas du tout d'origin story à ce niveau-là. En revanche, je suis pas contre les origin story, ça me dérange pas. L'origin story, ça sera dans le film solo de Batman, je pense. Voilà. Arnaud, t'as pas entendu. J'ai dit, je pense que l'origin story du Joker, on l'aura dans le film Batman solo. J'espère aussi. À la rigueur, le Joker n'ait pas d'origin story, ça me dérange pas parce que finalement dans le comics, il n'y a pas eu vraiment d'origin story. Non, d'origin story ou plutôt de background, tu vois, c'est-à-dire que là, D'accord, oui, là, je suis d'accord, il n'y a aucun background, c'est totalement raté. Exact, voilà, je me suis trompé dans mes termes, mais oui, c'est vrai que tu n'as pas de background, je veux dire, tu sais même pas pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi le personnage agit comme ça, pourquoi le Joker est comme ça, j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi ce choix de Joker-là, oui. Et en fait, je vais te répondre comme si j'étais la Warner parce que ce Joker est ta gueule. Non, mais voilà, c'est. Mais je veux dire, là, enfin, obligé de comparer, forcément, au moins avec le Joker Nicholson, tu comprenais la logique qui était plutôt un Joker, ok, un peu psychopathe, mais très, on va dire, relativement drôle. Et on avait, avec le Joker d'Heath Ledger, un Joker vraiment anarchique, complètement psychopathe, sociopathe, mais qui n'était pas si drôle que ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un mixte des deux. Et voilà, ça prend pas. Et finalement, Harley Quinn, c'est peut-être aussi la même chose. Alors, pour avancer, hormis qu'ils aient hyper sexualisé le. Pour avancer un petit peu, comme on est que au casting, que ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé, on va pas se faire toute la liste des personnages. Je vais juste vous demander si, voilà, est-ce qu'il y a un personnage dont vous avez envie de parler, vous en parlez et on passe. Ouais, moi, c'est l'Indien. Comment tu dis ? L'Amérindien, c'est Slipknot, non ? Ouais, Slipknot, ouais. Ah ouais, mais ah, c'est lui qui est mort en deux minutes. Lui, par exemple, pour moi, c'est clairement l'exemple parfait du cheap kill, c'est-à-dire que c'est un mec qu'on est là pour donner une mort. La preuve, c'est qu'il était même pas dans la promo. Mais il apparaît, non, dans l'introduction ? Ah, peut-être, je sais pas. Je crois pas, ça me dit rien. Et, vous savez, dans l'introduction des personnages au début. Parce que déjà, personne ne connaissait Slipknot et personne ne le connaîtra plus parce que visiblement tout le monde s'en fout. Ouais, mais la plupart des personnages, on ne sait rien d'eux. Pareil, Katana, j'avais le personnage en soi, je m'en fous. Mais son apparition, je me suis dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Et jamais, on ne voit jamais rien, elle ne fait rien. Ouais. Elle tue trois mecs, après c'est tout. Mais Arnaud, c'est un personnage féminin. Oui, pardon, un film Warner, un personnage féminin, c'est vrai. J'en demandais trop d'avoir un. Non, et après, subtilité, Arnaud, tu sens que Deadshot, c'est Will Smith, quoi, parce que Will Smith, putain, le nom. Alors, oui, qu'est-ce qu'il vaut, lui ? Parce qu'on a fait beaucoup de foin autour de lui. Deadshot, c'est Will Smith qui joue Will Smith qui joue Deadshot. Voilà, vous êtes deux à parler en même temps, je ne comprends pas. Donc, allez, excuse-moi, Conan, vraiment, faut que je me calme. Non, je disais, il a quasiment les mêmes rôles que d'habitude. C'est un père de famille qui aime ses enfants, qui fait face à des difficultés, qui se remet en question, qui veut faire le bien pour ses enfants au final. Oui, moi ça m'a pas, c'est pas fou, et c'est pas non plus de la merde, mais c'est juste que c'est pas intéressant. Will Smith, c'est le héros américain qu'on a rendu légèrement dark en lui faisant tuer des gens. Globalement, c'est ça. Autrement, c'est Will Smith qui joue du Will Smith qui joue Deadshot. Parce que tout ce qu'on voit, c'est ça. C'est Will Smith, quoi. Du coup, dans l'espèce de morosité, là, d'ambiance un peu pourrie de tout ce que vous racontez depuis le début, est-ce que ça fait quand même pas un peu de bien d'avoir au moins ça ? Je sais pas, hein, je pose la question. Je l'ai pas vu. D'avoir un repère comme ça qui. Ouais, d'avoir au moins Will Smith qui fait du Will Smith et qui du coup est pas si mauvais que ça. Du coup, quand Will Smith si t'as pas vu ses derniers films, hein, il est mauvais. Hein. Bah, en même temps, beaucoup de films. Je rejoins Mathieu. Oui, effectivement, Will Smith fait du Will Smith, mais à la rigueur, tu m'aurais demandé lesquels acteurs s'en sortent le mieux, je t'aurais dit Margot Robbie, et j'aurais peut-être eu tendance à te dire Will Smith. Parce que même si j'aime pas du tout ce qu'il a fait de Deadshot, comme il fait du Will Smith, il s'en sort. Enfin, c'est un côté réconfortant parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Voilà, mais mais ça n'a rien d'original, donc on s'en fout. Il n'y a pas d'originalité. Il y a quelque chose de réconfortant dans le fait que ce soit un personnage que l'on connaisse déjà, et du coup, c'est une sorte de valeur sûre. Hein. C'est ça. Tu sais, Mathieu, tu avais dit dans le podcast sur BVS que Ben Affleck, Batman, c'était le mec qui joue Batman. Oui. Enfin, voilà, exactement. Et bien, globalement, tous les personnages, c'est la même chose. On a apposé des noms à ces acteurs, à ces gars-là, et on leur a dit bon, bah, faites ça, ça et ça, parce que c'est comme ça que Deadshot fait, c'est comme ça que Mathieu fait. C'est Captain Boomerang. Le mec, il sert à rien. Bah, si, il sert à montrer. Il sert à rien, il est nul, il est pas drôle, il pue. Enfin, il drague comme une merde, c'est dégradant. Du petit criminel, enfin du criminel, du mec bien viril, disons, qui est amoureux, enfin qui adore une licorne en peluche. Non mais j'ai on pas a vu ça il y a 6 mois dans Deadpool, hein. Et en plus on voit ça dans deux scènes. Le mec il sort une peluche, il l'embrasse, hein, il la range et il la ressort 5 minutes plus tard, il la regarde et il la cache. Où est l'intérêt? Et pourquoi? Et on en a dans les 20 premières minutes du film, il y a deux scènes comme ça et après plus jamais rien. Et pourquoi? Pourquoi il aime cette peluche de licorne? Pourquoi? Bah, voilà, il l'aime parce que les producteurs l'aiment, parce que ça va nous faire penser à Deadpool. Voilà, il y a rien en fait. On met des choses sur des, on met des personnages. De temps en temps, ils ont quelque chose. Là, cette licorne qui le qualifie, mais le qualifie de pourquoi on ne sait pas. Comment il s'appelle? Killer Croc. On ne sait rien de lui. Donc on ne sait pas. On sait rien non plus de son background. Il y a juste des petits moments où on apprend, il est né comme ça, il a toujours été mal vu. Donc on pourrait dire, ils veulent faire un propos sur l'acceptation et tout ça. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste une phrase comme ça en passant pour faire une blague. Parce que oui, il fait une blague. Hein. Mais sinon, on ne sait rien des personnages, ils ne servent à rien. C'est catastrophique. Ok. Bon, bah, le casting, on a compris que c'est pas de ce côté-là qu'il fallait. Puis Amanda Waller. Ah, bah, j'allais conclure par Amanda. On a vu plus menaçant. Donc, ouais, c'est clair. Amanda Waller, bah, pas top. C'est peut-être l'une des rares qui s'en sort relativement bien. Elle est plus menaçante dans ses autres rôles que dans celui-là, et elle a pas forcément des rôles menaçants. D'accord. Bah, de toute façon, Viola Davis, c'est How to Get Away with Murder et de toute façon, le reste du casting, bah, il se prend en soi, parce que de toute façon, ils se partagent genre 10 minutes d'écran chacun, parce que le tout est happé par Will Smith et Margot Robbie. Le reste du casting est interchangeable et fait à peu près. La méchante aussi, hein. La méchante. Ah oui, le méchant d'ailleurs. La méchante. Enfin, la méchante, l'enchantresse, la méchante. Ah d'accord. Ah bah oui, bon, méchante. On l'avait deviné avec la promo. Oui, mais j'avais pas vu. Moi, j'avais pas vu la promo, donc je savais pas. J'avais pas vu non plus, donc je savais pas. Mais ça n'empêche que même en ne sachant pas, c'est. Bah, elle a 10 minutes d'écran. Elle a 10 minutes d'apparition à l'écran aussi. Et puis, donc, bah, elle sert à rien. Résumons quand même ce casting. Nous avons 3 personnages féminins, une catin. Une transparente. Un catin, un cliché et la méchante. Une qui sert à rien. D'accord. Méchante, cliché. Et la black, bien sûr. Écoutez, ça donne confiance pour Wonder Woman. Ah oui, complètement. J'ai hâte. Mais en fait, Cara Delevingne, c'est très simple. Son rôle se réduit à globalement ce que fait Magneto dans X-Men Apocalypse, c'est-à-dire faire la statue du commandeur et attendre pendant une heure et demie que ça se passe et que les autres arrivent. Et puis les autres viennent, et puis comme par magie, ils font la gueule et puis voilà. On connaît même pas son plan. Même pas ce que si détruire les armées. Oui, mais comment elle veut faire ça? Non, mais voilà, non, mais on sait pas. Elle attend pendant 3 jours dans un bâtiment. Personne va l'attaquer, personne ne fait rien, mais elle attend 3 jours dans un bâtiment. Non, et puis le coup. À préparer sa machine. Et puis franchement, non, mais enfin ça, on en parlera. Enfin, j'allais dire, on en parlera pour le scénario, mais est-ce que s'il y a vraiment. Non, justement, on va passer. Il y en a pas. Le casting, on va pas s'attarder, on va pas tirer sur l'ambulance parce que visiblement, c'est ce qui va se passer pendant toute l'émission. Donc on va, voilà. Vous avez compris, n'allez pas payer pour ça, visiblement ne le téléchargez même pas. On va quand même continuer, voilà, histoire d'aller jusqu'au bout. Sur donc après le scénario. Alors, c'est un mot un peu compliqué, il y a 3 syllabes, tout ça. Bon. Scénario, c'est pas forcément connu de tout le monde quand ils font des films. Visiblement, la Warner, on a du mal. Voilà. Que vaut l'histoire de ce film? Tu veux l'histoire? C'est 20 minutes d'introduction où on te répète plusieurs fois le nom des personnages. 30 minutes, ce dont ils sont comptables. Ensuite, le plan, c'est de former vite fait la Suicide Squad. Ensuite, leur plan, c'est de partir en ville, de pas attaquer la méchante, parce que non, personne n'attaque la méchante pendant 3 jours. Hein. Mais leur plan, c'est d'aller d'un point A à un point B pour aller chercher Amanda Waller et ensuite de repartir. Ah bah je voilà. suis et puis ensuite et puis ensuite en arriver devant l'enchantresse qui donc pendant une heure et demie a fait la statue du commandeur quoi, elle faisait des petits tours de magie. Si à un moment elle danse un peu. Voilà, c'est ça. À un moment elle se tourne dans tous les sens, t'as l'impression qu'elle danse. L'enchantresse en même temps, voilà. C'est bien qu'elle danse. Voilà, et puis pendant tout le temps. Et à la fin, tout est bien parce que c'est des méchants, mais ils sont devenus amis. Et Harley Quinn, maintenant, c'est plus une méchante, elle aime sa Suicide Squad, elle est gentille, du coup, elle a une chance de repasser du côté obscur, disons. Mais non, elle va affronter l'enchantresse et elle la tue. Tu veux dire que c'était un peu des gens laissés pour compte et mis côté de la société qui finalement se sont trouvés une nouvelle famille, gardien de la galaxie? C'est ça, tout à fait. N'oublie pas El Diablo qui dit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça. Ils ont fait une espèce de sous-gardien de la galaxie avec ce film. Et alors, les gardiens, ils sont dit à la même époque, il y a 2 ans. Oh, mais c'est étrange. Mais voilà, et en plus, ils se sont dit, oulala, attendez, putain, les mecs, attention, on est en train de faire comme Marvel, là, donc ouais, il faut bien qu'on prenne du fric, mais attention, on fait pas comme Marvel, nous, on fait de la profondeur, nous, on recherche nos personnages, donc du coup, on va leur donner un discours américain cliché. Qu'on les recherche tellement qu'on a toujours pas trouvé. Qui consiste à dire, on est des méchants, mais pas complètement, on est un peu humain, et n'est-ce pas Diablo qui dit, au moment où il va se sacrifier, il faut toujours cette espèce de sacrifice à 2 balles, parce que c'est l'esprit américain de merde, qui consiste à dire, dire. Si il est mort et tout le monde s'en fout dans le film. Oui, mais avant de mourir, il dit, oh putain les mecs, je me suis trouvé une seconde famille avec vous. J'ai rien fait du film. Pendant tout le film, j'ai dit que j'allais pas utiliser la violence, mais là quand même, vous êtes devenu une famille. On sait pas comment, mais vous êtes devenu une famille, donc je vais me sacrifier aussi. Si, il y a la scène du bar où ils prennent tous un verre, c'est comme ça qu'ils ont. Ah, cette scène du bar, la bonne scène américaine d'Imo qui consiste à dire, ouais, on est des méchants, mais regarde, on est un peu humain, on va même t'aider, toi, le gentil, à retrouver cette motivation, histoire que nous, les méchants, on essaye de faire valoir notre statut tout en restant gentil, mais en étant quand même un peu méchant, et puis ensuite un peu finir le boulot parce que quand même il reste une heure de film. Donc c'est ça le scénario avec 2-3 scènes avec le Joker qui apparaît. D'accord. Et c'est un bon résumé du film. Conan, même avis ? Ouais, plus c'est très conventionnel, c'est déjà vu, c'est aucun intérêt, quoi. C'est, okay. C'est littéralement d'aller d'un point A à un point B en faisant rien. On va parler quand même du coup de quelques petites incohérences, de quelques petits problèmes. Alors, on va pas tous les faire parce que visiblement, on pourrait y passer la nuit sur les incohérences. Juste, je voulais quand même vous poser une question parce que bon, c'était pas très clair dans la promo et vu que vous l'avez vu, peut-être que c'est plus clair maintenant pour vous en tout cas. Au niveau de la temporalité, ce film il se situe comment par rapport à BVS ? Quelques mois après BVS. Il parle de la mort de Superman. Oui, il d'accord. En parle. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a, quand même une connexion. Visiblement, ils ont vu qu'il y avait un autre film et ils ont rappelé un événement. C'est ça. Et il y a une scène post-générique où on sous-entend qu'ils sont en train de monter la Justice League. D'accord. Donc maintenant, la question que j'ai à vous poser. Attention. Ezra Miller est dans le film. Une seconde. Voilà. Une seconde durant laquelle il a un costume qui va lui être fourni par Bruce Wayne dans Justice League. On sait pas trop ça. C'est non, parce qu'en plus, le flashback, c'est avant Suicide Squad. Oui, en plus. Voilà, donc, exact. Où est-ce qu'il va vivre ce putain de costume ? Alors, ça, bonne question. Voilà. Bon, c'est la Warner. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, après, peut-être qu'il y a une explication rationnelle, mais il va falloir me la donner. Parce que moi, dans la promo qu'on a fait de Justice League, dans la promo que je lis de Justice League, dans tout ce qui a été annoncé à San Diego, hein, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines, on nous a dit que Bruce Wayne allait confectionner le costume de Flash dans Justice League et lui fournir du matériel, etc. Il a son costume. Bon, est-ce que c'est le même que celui que vous avez vu, même si c'est que 2 secondes? C'est trop rapide pour vérifier, mais ça a l'air d'être le même. Okay. Ça a l'air d'être le même. Mais surtout qu'en plus, ils ont révélé que cette scène, elle n'a pas été tournée par David Ayer, mais par Zack Snyder. Oui, ça parce que l'acteur parce pour que le tournage de toujours Justice... que cet enfoiré mette les mains dans le cambouis. Ils étaient en fait, l'acteur était à Londres pour tourner Justice League, donc c'est lui-même qui a tourné la scène. D'accord. Donc du coup, il y a de très très grandes chances que ce soit le même costume. Il a pris ce qu'il avait sous la main. Complètement, okay. Complètement. Je crois que c'est le même costume, mais ça a l'air d'être le même costume. Après, faudrait revoir, mais ça j'ai pas envie pour vérifier puisque c'est tellement rapide. C'est vraiment, il arrive, semble, hein. Il y repart. Hein. C'est vraiment, il fait rien. Il y a même pas une, il dit même pas un mot, rien. Si. C'est juste parce que il y a le Captain Boomerang, donc faut le connecter avec c'est ça en fait. C'est ça. Ils ont juste voulu dire coucou, c'est connecté à nos futurs films, futurs personnages, blablabla. Et sous la scène post-générique avec Amanda Waller et les fameux. Ouais, qui est une grosse blague. Fameux fichier. Je pose la question. Enfin, j'ai posé 2 questions vis-à-vis de cette scène post-générique. C'est bien, donc on voit dans la bande-annonce que Bruce Wayne va chercher Flash, et c'est pas Batman qui y va, bah oui, Bruce Wayne, c'est vrai qu'il tient pas du tout à son identité secrète. Et là, visiblement, c'est aussi Bruce Wayne qui va chercher Amanda Waller, et pas Batman non plus. Et elle est au courant. Le mec, c'est le Barry Allen de la CW, tout le monde sait qui il est. Ça. À la base, quand même, Batman, c'est quand même une des identités secrètes les mieux gardées de tout l'univers d'ici. Il y en a très peu. Bah, Amanda Waller, elle est au courant et il lui confirme. Voilà, bah c'est bien, tant qu'à faire. Elle fait un sous-entendu, il répond à un truc, donc, il confirme. Il y a quand même ça qui me chagrine profondément, mais ça, à la rigueur, c'est le respect du matériel et du personnage. Donc on a bien vu que voilà. Mais pourquoi il va demander des dossiers à Amanda Waller alors qu'il a la clé USB ? Bonne question. Bah ça. Parce que la Warner est conne. D'autres questions. Ils ont voulu. Moi, j'ai pensé cette scène. Enfin, cette scène, si on peut appeler ça une scène. Ils ont voulu se la jouer. Cette première scène post-générique du DC Universe, de la merde, comme la scène qui va annoncer la Justice League, comme ce qu'il a pu faire avec en 2008 avec Iron Man. Sauf que c'est loupé. T'as aucune cohérence. En une scène, mais comme tu l'as dit Mathieu, avec BVS c'était déjà le cas, il s'assoit complètement avec le personnage, parce que quand même le propre de Batman Bruce Wayne, c'est qu'il soit hyper parano vis-à-vis de son identité secrète, et je suis pas persuadé que dévoiler son identité, enfin confirmer ou dévoiler son identité secrète à Amanda Waller, ce soit la meilleure chose en termes de. Surtout qu'il connaît Amanda Waller, il sait comment aller. Oui, parce qu'il est censé avoir enquêté sur elle. Et puis, même Barry Allen, il va le chercher dans la bande-annonce de Justice League. Oui. Il va le chercher sans son costume. Enfin, le mec, quand même, il peut juste le tuer sans qu'il s'en rende compte. Et il y va comme ça, quoi. Je comprends pas. Non, mais c'est aberrant. Puis le coup du fichier, pourquoi quoi? C'est cette scène-là. Enfin, à mon avis, ils l'ont fait sur. Ils ont certainement dû la faire en rush-shot et ils ont voulu faire une connexion avec Justice League. Mais alors moi, ce qui m'emmerde. Mais je me demande, c'est justement cette phrase. C'est la phrase de Bruce qui dirait dans cette scène qu'il faut shut down l'équipe, sinon, oui, lui et ses amis vont s'en occuper. Alors ses amis, il les a pas rencontrés, donc faut pas trop qu'ils enflamment non plus. Mais j'ai peur que ça annonce un Justice League versus Suicide Squad, je n'ai pas très envie. C'est ça que j'allais dire, j'ai un peu peur que cette scène sous-entende ça. J'y avais pas pensé, mais j'ai pas du tout envie. Donc on verra, mais bon, voilà. Surtout que, rappelez-vous, la Warner développe un spin-off de Suicide Squad. Ouais, bah oui, sur Slipknot. Sur Harley Quinn, avec d'autres personnages qui pourraient apparaître. Génial. Allez, donc on quitte le scénario, parce que visiblement, voilà, encore une fois. Il n'y en a pas. Ambulance, tout ça. On va parler de... encore un gros mot, hein, de réalisation. Il n'y en a pas non plus, notre question. Alors, du coup, le premier à avoir fait la distinction en donnant son avis, c'est Conan. Donc, je vais te laisser, Conan, ouvrir le banc concernant la partie un peu technique concernant ce film, la réalisation. Voilà. On a vu que les personnages, c'est pas ça. Les acteurs, c'est visiblement pas ça. Le scénario, c'est visiblement pas ça. Tu nous disais en intro que si on le prend comme un produit divertissement, ça peut marcher. Mais si on le prend comme une œuvre cinématographique, ça ne marche pas du tout. Voilà, vas-y, commence, et puis les autres te suivront. Ouais, pourquoi, en tant qu'œuvre cinématographique, c'est raté? Je dirais, alors, est-ce que je peux d'abord dire les points positifs? Oh, bah écoute, visiblement, ça fera du bien d'avoir un peu de positif. D'une part, l'introduction des personnages avec l'animation typographique, toute la mise en scène où on voit leur logo qui apparaît et qui l'arrêt en fait comme une forme de fiche de personnage, vous savez, avec toutes leurs caractéristiques, ouais. Avec le jeu de couleurs et l'espèce de couleur très péchue, même générique au début, on voit les logos qui sont très multicolores comme dans la communication. Ça m'a plu parce que c'est un parti pris graphique qu'on peut déjà au moins noter parce que c'est pas, mais qu'on retrouve pas dans la suite du film, et c'est alors ça, voilà, que ça c'est dommage, ça c'est ouais. Le plus gros problème parce que comme c'est dans toute la communication, dans tout le marketing, au bout de, c'est dans le générique de début, générique de fin, il n'y a plus rien quoi. Il y a vraiment plus rien d'intéressant, même si il y a un plan magnifique en référence avec une couverture peinture de Alex Ross dans la fosse. Non. La peinture d'Alex Ross qui est utilisée comme référence dans un plan entre Harley Quinn et Joker. Ah oui. Qui est absolument splendide, c'est un de mes plans préférés pour le coup. Mais ouais, voilà, ouais. C'est un plan, c'est deux trois plans maximum. C'est pas intéressant du tout sans ça. Il y a aussi toute la scène avec comment elle s'appelle, Amanda Waller, quand elle se casse en hélicoptère et qu'il y a l'hélicoptère qui lâche les flares là, les ouais, enfin je sais plus comment on appelle ça, c'est l'espèce de bait. Ah oui. D'appât pour les missiles qui peuvent arriver. Ah. Il y a une scène, enfin, où on voit en fait l'hélico qui commence à descendre en plongée comme ça et en lâchant au fur et à mesure plein de petits faux missiles pour faire diversion. Ça, c'était une très belle scène. Bon, après, ce qu'ils en ont fait, ça sert à rien parce que finalement, ils s'en débarrassent très vite. Le personnage d'El Diablo à la fin, le mode vénère du personnage quand il se bat, j'ai beaucoup aimé le design de la divinité dont il prend forme. C'est une divinité aztèque, je n'en dirai pas plus, mais c'est quelque chose qui m'avait intéressé, alors que l'ennemi contre lequel il lui se bat, j'ai pas aimé le design. C'était moche, hein. On va dire un radiateur géant. Oui, ouais, non, mais c'est un espèce de mélange entre le monstre de Thor, là, je sais plus comment il s'appelle. Le destructeur. Ouais, le destructeur et d'autres. Skarkapak. Raskar Kapak. Le Raskar Kapak, c'est la momie dans les 7 boules de cristal. Mais ouais, voilà, ouais, c'est vrai que en soi, à part ces quelques points intéressants, il y a rien que j'ai retenu de technique, il y a pas de Il y a pas de plan de caméra, de mouvement de caméra, il y a pas de cadrage, de photographie intéressante, il y a pas quelque chose d'original, et c'est ce que je cherche, et c'est ce que je pense tout le monde ici se cherche. On est à les comic book movies ont commencé avec je sais plus, je crois que c'est Blade ou même enfin dans l'ère moderne plus ou moins Batman en 89. Voilà. Batman en 89. Ouais, ben bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais j'aurais pu dire Spider-Man qui a été un tournant majeur pour moi dans ce que j'ai vu en termes de comic book movie. Et on est déjà habitué à plein de choses, on voit déjà plein de choses et c'est vrai que je pense que si on dit que c'est une merde, même en termes de réel, c'est parce que on est exigeant et on attend de voir des choses originales et créatrices et c'est pas ce qu'on a vu et c'est à ce niveau-là, c'est très très décevant. Et limite, j'ai envie de dire. Zack Snyder était plus original dans BVS. Ah non, mais moi complètement. J'ai du mal à le dire, j'ai du mal à l'avouer, mais j'ai trouvé plus de choses intéressantes en termes de technique dans le travail de Snyder dans BVS que dans ce film-là. Mais c'est là, moi, dis-moi. Niveau technique, c'est celle que tu as citée avec Harley Quinn et le Joker, dans Harley Quinn dans son costume rouge et. Ouais. Mais celle que tu disais aussi quand il saute dans le. Et celle quand il saute dans la fosse pour la rejoindre et quand il ressort avec ce mélange de couleurs dorées et rouge et bleu. C'était une très belle scène. En plus, la musique fonctionnait bien à ce moment-là, contrairement à d'autres moments. Oui, c'est vrai qu'on parlera de la musique aussi. Et du coup, j'ai bien aimé ces deux scènes-là. Sinon, dans l'ensemble, non, il n'y a rien. D'accord, bah c'est cool. Bon, du coup, que retenir de tout ça, quoi. Donc, ouais, il y a quelques scènes qui, a priori, bon, ouais, semblent fonctionner. Pour le reste, c'est du lambda moins, c'est ça ? Ouais, voilà. C'est ça. Du bon gros blockbuster, quoi. Mais sinon, il y a autre chose dont je voulais parler. Oui. C'était, voilà, moi en général, j'étais très déçu des trailers, donc en général, j'en regarde qu'un. Et là, j'ai regardé que le teaser, donc j'ai vu le film, puis je me suis dit, je vais aller regarder les trailers, parce qu'on m'en disait du bien, et j'ai remarqué qu'il y a énormément de scènes qui ont été coupées, il y a des dialogues qui ont été zappés. Même dans le bar, tout simplement, il y a des petites répliques qui m'ont fait marrer quand j'ai vu le trailer et qui ont été. Par exemple, dans la bande-annonce, ils rentrent dans le bar, ouais. Les Queens leur demandent ce qu'ils veulent boire, alors que dans le film, ils ont déjà tous le verre dans la bouche. Donc il manque déjà au moins 2 minutes de film. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais t'inquiète pas, tu les auras dans la version longue. Je sais pas, ouais, parce que David Ayer a dit que c'est mon film, c'est ma version, vous inquiétez pas, c'est mon montage. Parce que quelques jours après la sortie du film en France, autour du peut-être du vendredi, juste avant l'ouverture aux États-Unis, il y a eu un article de Hollywood Reporter qui est sorti concernant la production du film qui était apparemment chaotique. David Ayer faisait son montage et en parallèle Warner faisait son montage à eux. Et ils ont montré les deux montages, ils ont dit bon bah désolé David, mais le public a préféré notre montage, donc on va faire un patchwork des deux. Mais oui, c'est ça. C'est, finalement, c'était pas suffisant. Du coup, ils ont demandé à un autre monteur de venir, de refaire un autre montage à partir de ce qui avait été fait. Il y a aucune cohérence entre deux. Il n'y a pas de lien. Il y a pas de lien entre les scènes. Il y a parfois des tons complètement différents au sein d'une même scène, hein, donc au sein de plans différents. Tu sens qu'il y a un travail visuel qui est absolument pas cohérent, pas intéressant pour faire immerger la personne. Et c'est le problème, c'est justement ce que THR dévoilait, c'est que Ayer, lui, il avait fait une version sombre du film. Hein. Et là, quand Warner a sorti le teaser à la Comic-Con en 2015, hein, ils ont voulu faire un montage fun avec toutes les blagues du film, hein, qui a énormément plu aux spectateurs. D'ailleurs, on avait tous, peut-être pas Mathieu, puisqu'il en avait marre déjà de l'univers d'ici, mais on avait tous adoré ce premier teaser, hein, qu'on avait trouvé sympa. Le premier teaser de Suicide Squad ? Ouais. Non, il n'avait rien à voir, il était pas drôle. Ah non, je l'avais pas trouvé sympa, non. Ah non, mais justement, moi, c'est le... Il me semblait qu'on avait aimé. Non, j'avais aimé éventuellement le deuxième avec Bohemian Rhapsody parce que je me disais, ah tiens, ça, voilà, pourquoi pas, mais j'avais tout de suite dit, bah oui, mais c'est pas le même film que dans le premier, où je comprends pas, et ça m'a juste. Enfin, bref, ils avaient sorti un teaser fun, qu'ils avaient voulu faire un montage fun, qui a beaucoup plu au public. Bon, c'était peut-être pas le premier, c'était peut-être le deuxième, je sais plus. C'est et justement, à partir de ça, la Warner s'est dit, bon, bah finalement, ta version sombre du film, ça va peut-être pas le faire. On va faire notre montage fun et on va le proposer au public et ils ont fait des tests et vu les tests, ils ont dit bon bah on va prendre la route du fun et ton film sombre, tu le verras jamais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression d'un patchwork de plusieurs films et c'est ce que tu disais justement, il y a une incohérence parfois dans certaines scènes où il y a des tons différents. Mais ouais. C'est ça, c'est-à-dire que... Certes, le scénario pêche, les acteurs, tout ça, il y a des problèmes à ce niveau-là, mais en plus de tous ces problèmes-là qui sont liés à David Ayer, il y a en plus l'interventionnisme de la Warner. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, non, mais de toute façon, voilà. Et en plus, à commander des scènes supplémentaires pour injecter plus d'humour dans le film, parce qu'apparemment, toutes les blagues du film étaient dans les bandes annonces. Et comme il y a eu les critiques de BVS qui ont dit « Ah, le film est pas fun et il faut que ce soit fun maintenant. » Et donc, ils ont retourné des scènes en ajoutant plus d'humour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, on lance un truc sur les réseaux sociaux en disant « Le film a pas marché parce qu'il n'y a pas assez de Slipknot, il nous faut un film sur Slipknot ?» Il y a un moment, ouais, il faut un peu porter ses couilles. Ils ont choisi de prendre une direction, ils se tiennent à cette direction et point. Ça plaît, ça plaît pas. Et moi, j'attends quand même le jour où il y a aussi un réal qui va un peu les porter aussi et dire, c'est comme ça, je me casse. Ah oui, ça c'est clair. La Warner n'a pas de couilles. Et ce qui s'est passé autour du film Aquaman, qui a perdu son réalisateur. Il n'a pas perdu son réalisateur. C'est qu'il y a un film qui a perdu son réalisateur. Flash, Aquaman hein. Ou Flash. Bon, bah, c'est Flash. Flash. Voilà, et c'était pour différents artistiques, je crois. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce mec-là a quand même porté ses couilles et a dit, bah, moi, je me barre. Tant mieux. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'aurait dû faire à un moment David Ayer, qui s'est quand même rendu compte que le film qu'on voulait mettre dans les salles, c'était pas du tout ce que lui, il avait prévu de faire. On lui a demandé des reshoots, on lui a recoupé son montage, ça a été une boucherie, enfin, voilà. Et au final, on sort un truc, il a beau nous dire, enfin, le mec, il nous dit, c'est mon film que vous voyez. Non, c'est pas ton film, c'est le film des producteurs qu'on voit. Eh oui. Donc voilà, il aurait pu aussi lui les porter et dire, bah écoutez, je me barre et vous démerdez. Et peut-être que ça nous aurait évité d'avoir aussi ce film-là, parce qu'il aurait fallu un peu changer ça de son fusil d'épaule, trouver quelqu'un d'autre, enfin voilà. Et ça aurait peut-être laissé le temps de réfléchir à une direction. Après voilà, il y a encore un film qui va être, à mon avis, dur à digérer, ça va être Wonder Woman. Parce que voilà, peut-être que le tir pourrait être rectifié au niveau de Justice League, mais franchement, j'y crois plus, quoi. Enfin, je peux pas croire en cet univers-là. Mais j'ai envie d'y croire pour Aquaman avec James Wan, mais... Ça devient difficile. J'arrive pas à croire au... Non, c'est... Parce qu'on parle de James Wan quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais, bah oui. Non, mais James Wan, pas... David Ayer, il avait fait quoi avant ? Pas grand-chose. D'accord. Et en plus, il a écrit le scénario, je crois, de ce film-là. Enfin, le scénario. Ah, ouais. Vu ce que vous en dites. Ok. Parlons de l'ambiance sonore, puisque visiblement, d'après la plupart des personnes dont j'ai pu récolter l'avis ici et là, il y a un gros souci de... Comment dire ? T'as aucune cohérence. C'est un effet Deezer ou un effet... Non, c'est un effet... Moi, j'ai vu ça soit comme un effet Gardien de la Galaxie ou un effet... ils ont voulu le faire à la... Je sais pas moi, à la Deadpool. Sauf qu'en fait, t'as aucune cohérence. Oui, mais ils ont lancé une liste de Deezer. C'est très bien, puisque juste l'introduction, c'est un enchaînement d'au moins trois chansons. Une s'arrête et t'en as une deuxième qui démarre tout de suite et il y a au moins trois chansons qui s'enchaînent. C'est ça, tu de plusieurs styles différents parfois. Non, ouais, tu commences le film, tu vois, ils enchaînent des musiques, mais tu te dis, mais elle est où la pop, musique rap. Quand vous mettez des musiques, il y a un minimum de cohérence, quoi. Il n'y a aucune cohérence. T'as l'impression que. La musique originale du film est inexistante. Oui, inexistante, c'est clair. Il y a une musique originale ou c'est non. Que des chansons sans, c'est... Mais non, c'est. Il y a un. Je sais même pas si on peut parler de musique. Il y a une bande originale. Ouais. Après, je ne critique pas le fait. Ils ont sorti une bande originale officielle. Ils ont juste dû prendre des samples qui devaient exister. Je suis en train de regarder. Il y a bien un compositeur qui a travaillé dessus, mais en revanche, c'est vrai que on l'entend pas. Quoi. D'accord. Oui. compositeur. Je posais pas la question en disant oui, ils sont juste contentés de reprendre des chansons, puisque Gardien de la Galaxie l'a fait, ça marchait très bien. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas contre ce genre de choses. Juste pour savoir s'il y avait eu des musiques de composées. Visiblement, oui, mais vous les entendez pas. Ça marche pas du tout. C'est... Ah non, dans Les Gardiens, on les entendait pas vraiment non plus. Non. Au moins, il y avait une cohérence musicale dans le tout. Je veux dire, tu prends aussi en terme 1, c'est la même chose, puisqu'on est sur le terme musique, enfin, l'utilisation des musiques qui soient cohérentes. Tu prends même, c'est un autre genre, mais là, qui est beaucoup plus réussi, mais ça reste un exemple. Tu prends Watchmen, il y a toute une BO en termes d'utilisation de la musique là qui marche parfaitement. Et tu pour les Gardiens de la Galaxie, effectivement, ça marche aussi parfaitement. Là, tu sens bien qu'ils ont voulu faire. Bon, il nous faut de la musique fun, les mecs. On fait tourner la playlist et puis voilà. Enfin, c'est ça, quoi. Ouais. Bah, c'est triste, ça aussi. Ah oui, non, mais c'est triste. Parce que du coup, ça aurait pu donner. Enfin, du coup, voilà. Le casting, c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça. Visuellement, c'est pas ça. On aurait pu avoir une espèce de semblant d'âme avec juste non, une ambiance sonore ça. Et des belles compos et tout ça, et ça non plus. C'est très triste parce que t'as pas d'identité entre, enfin ouais, identité scénaristique. T'as pas d'identité visuelle. T'as pas d'identité en termes de réalisation. Enfin, ça peut être dans le même lot d'identité en termes de réalisation. Et t'as pas d'identité en termes sonore musical. Ça fait un peu beaucoup. Donc il y a un... non, c'est. C'est une catastrophe. C'est raté. Ouais. Bon, bah, c'était le film de l'été, normalement. Ouais. Bah, niveau box-office, oui, mais... Je m'en suis... Au cours du podcast, je me suis quand même demandé est-ce que, à côté, là, en termes de, on va dire, qualité, si on peut parler de qualité, est-ce que ça vaut pas de Fantastic Four? Ah, mais tu casses complètement la dernière question que je voulais vous poser à la fin de l'émission. Ouais, je me suis posé la question. Ouais, parce que vu tout ce que j'ai pu entendre et lire d'ici là, ouais, on était quand même pas loin de l'espèce de voilà de volée de bois qui s'était pris Fantastic Four à sa sortie. Bon, voilà. D'autres choses sur la réalisation ? Non, elle est inexistante. Inexistante, nulle. Okay. Il nous reste donc à parler de la place de ce film dans le DCEU avant de donner nos notes. Quel suspense concernant les notes. Donc la place de ce film dans le DCEU. Vous m'avez parlé d'un petit moment où effectivement on fait référence à la mort de Superman. La scène post-générique nous introduit Justice League et peut-être même un possible Justice League versus Suicide Squad. Donc déjà, le film est dans cet univers, déjà. Oui, ouais. Y a Flash. Ça veut dire ça. Maintenant, il y a Batman, il y a Flash effectivement qui apparaît. Bon, voilà, en termes de connexion, voilà, on a quand même plutôt pas mal de choses et Marvel Studios fait pas souvent aussi bien. Oui, il y en a moins dans chez Marvel, ouais. Parfois. Notamment entre les séries et les films, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, est-ce que vous avez l'impression que ce film fait partie, malgré... Enfin voilà, on va faire abstraction de ces petits clins d'œil qu'on a pu voir. Est-ce que vous avez l'impression que ce film fait partie d'un univers cohérent? Absolument pas. Man of Steel, non, et BVS. Pendant 3 jours... Il sert à rien. Pendant 3 jours, il y a l'enchantresse qui détruit la moitié de la ville. Et il n'y a personne qui est foutu de venir pour régler le problème. Il y a Batman, il y a Wonder Woman qui sont là, il y a Flash. Il y a possiblement Aquaman quelque part sur Terre. Mais bon, même si lui s'en fout peut-être de la vie humaine, on verra dans son film. Mais au moins, il y a Flash, Wonder Woman et Batman. Flash, il est peut-être pas encore avec eux, donc il s'en fout peut-être. Mais au moins, Wonder Woman et Batman. Qui ont affronté Doomsday. Et là, il y a l'Enchantresse qui détruit la moitié de Midtown. Et il y a pendant 3 jours, on nous insiste bien plusieurs fois dans le film qu'elle est là depuis 3 jours. Il y a personne qui vient faire quelque chose. C'est effectivement ça me rappelle une phrase que j'avais lue effectivement voilà, quand il s'agit d'aller empêcher un braquage de banque, Batman et Flash sont les premiers arrivés sur place, mais quand on détruit la moitié d'une ville, il y a plus personne. C'est ça. Ouais. Et il y a aucune explication. Ça aurait pu s'appeler autrement, hein. On aurait pu appeler le film vraiment autrement, que ça aurait été la même chose, hein. On aurait changé tous les noms, ça serait ça. Pour moi, je vois même pas l'intérêt de parler de DC ici à part quand ils présentent ils présentent Deadshot et ils présentent Batman avec. En fait, ils ont des noms, quoi. Ils ont des noms qui sont ceux de l'univers d'ici, mais c'est oui, pas. Oui, oui. Moi, malheureusement, j'ai peut-être pas beaucoup de défense en comics et j'ai plus discuté. Oula, attends. Léo, déjà, Léo, tu vas régler ton petit problème de connexion parce que tu sautes. Et du coup, pour l'instant, Conan, vas-y, termine. Non, je disais, donc, j'en avais discuté avec des lecteurs de comics que, dont moi, je ne fais pas malheureusement partie, même si j'essaie au maximum, comme on disait, ouais, c'était pas du tout... Il n'y avait aucun intérêt de lier ça à l'univers DC Comics. Ils n'utilisaient même pas, le background que Suicide Squad offre. En plus, ça se passe à Midway City. Ouais, c'est Midway City. Qui connaît Midway City avant d'être un fan de comics? Bah oui, j'ai dû aller regarder sur internet pour savoir qui était le héros de Midway City. Enfin, s'il y en a. Il n'y en a pas. Et c'est. Enfin, savoir quelle était. C'est juste une ville qui existe dans l'univers d'ici, mais. Donc, c'est une ville sacrifiée. Voilà, c'est ça, personne ne la connaît. On m'avait dit que. Je l'avais noté. C'était en lien avec Hawkman et Hawkgirl. Oui, non, mais ok, mais bon. Mais voilà, c'est pareil, c'est des personnages qui, au moins, ils auraient pu. Qui n'existent pas dans cet univers. C'est vrai? Bah, pas présenté encore, mais je sais pas si. Pour l'instant, ils n'existent pas en tout cas. Oui, je pensais qu'ils auraient pu être annoncés ou pas. Ouais, non, mais ouais. Aucun intérêt à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de lien, quoi. Comme vous dites, je veux pas l'intérêt de. Batman vient pas, mais il vient à la fin pour récupérer les dossiers et dire bah, vous arrêtez de déconner avec les seules personnes qui ont tenté de sauver la ville, hein, pendant que moi je foutais rien. Mais il apparaît quand même à la fin pour dire un petit caméo quand même. Après, il se trouve que voilà, Midway City, enfin juste voilà, c'est effectivement Hawkman et Hawkgirl, et puis c'est aussi lié à la Doom Patrol, et notamment c'est une ville qui est détruite dans Final Crisis. Mais c'est tout, enfin voilà, il se passe pas grand chose, voilà. Final Crisis, il y a au moins 10 ans. Oui. Donc du coup, voilà, bon. Ok. Donc pas de place particulière, vous n'avez pas l'impression que ça fait partie d'un univers finalement vraiment connecté, enfin vraiment cohérent. Je suis persuadé que tout ce qui s'est passé là dans Suicide Squad, en termes de destruction et tout ça, ça va avoir aucun impact, aucune allusion, ou très peu. C'est Midway City, quoi. Voilà, c'est ça. À Gotham. Bon. Les notes, messieurs, histoire de conclure ce massacre en règle, parce que là, ça ressemble quand même plus à un massacre qu'autre chose. Arnaud, ta note sur 10, s'il te plaît. 3. D'accord. Clément. 1,5. 1,5. Conan. 3 également. Et Léo. 3. Ok. La moyenne pour ce film, 2,62 sur 10. Ce qui lui donne une moyenne de 1,3 sur 5. Si on le compare à l'ancienne version des notations de film, 1,3 sur 5, c'est tout simplement la pire moyenne, je crois. Fantastic Four. Je crois que Fantastic Four avait fait 1,5, un truc comme ça. Voilà, c'est donc derrière Fantastic Four. Bon, bah voilà. Après, je sais pas, on poussera peut-être la comparaison quand on fera un bilan un peu plus global de tous les films qu'on a vus depuis l'été dernier, pour faire un bilan annuel, voilà, comme on avait éventuellement évoqué l'idée en parlant du bilan de série à la fin de saison. Bon, c'est pas brillant, quoi. Et du coup, ce film-là vient conclure une année très morose, assez pauvre. On a eu la belle surprise de Deadpool, mais qui finalement, voilà, une fois qu'on le revoit, ça marche peut-être pas forcément aussi bien. Ouais, qui nous avait plutôt, allez, on a dit, allez, 2016, ça va être sympa. Puis on est tombé sur BVS, et puis il y a X-Men Apocalypse. On a eu un Civil War qui a partagé quand même entre les deux. Non. Bon. Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, non, moi j'ai eu la chance de revoir parce qu'il y a tous les Marvel qui sont en train de passer un cinéma dans Paris. Et le seul comic book movie que j'ai pu voir et qui soit au-delà de tout, c'est un ancien film. Donc c'est un Spider-Man 1 et 2, tu vois. Donc, c'est Spider-Man 1 et 2 que j'ai revu et bon, ça a été une claque. Et on est en 2016 et on n'a toujours pas aussi bien, quoi. Ben, on aura peut-être, voilà, moi, maintenant, voilà, on a fini une année, on va entamer une nouvelle saison, la saison 2016-2017. On a beaucoup de films au programme. Si vous devez dire, voilà, lequel vous attendez, lequel peut potentiellement vous redonner l'espoir dans l'adaptation de comics au cinéma? Un ou deux, parce qu'il y en aura peut-être deux, voilà. Arnaud. Sort Doctor Strange, Wonder Woman, Justice League, Les Gardiens, ouais. Spider-Man. Oui. Qu'est-ce qui sort d'autre encore? J'ai le calendrier, je suis en train de le regarder. Je crois que j'ai tout cité. Alors, on a dit en 2017, hein? Ouais, 2016-2017, jusqu'à l'été prochain, quoi, en fait, on va dire. Là, j'ai Doctor Strange qui sort bientôt. Ouais. J'ai Lego, Lego Movie, on s'en fout. Ouais. Ah, Lego Batman Movie, non, moi je m'en fous pas. Non, bah, dans le sens où pour moi c'est un Lego, donc je le mettais dans. Il a même l'air mieux que tout l'univers d'ici. Oui, non, mais de toute façon, si après, c'est un même type que dans Lego The Movie, moi je suis. Il y a Wonder Woman, je crois, après. Voilà, là, j'ai un Wolverine en mars 2017. Ah oui, c'est vrai, il y a Wolverine. Ensuite, c'est Wonder Woman, Les Gardiens. C'est Gardien de la Galaxie le 5 mai, juin, c'est Wonder Woman. Et Kingsman. Kingsman arrive deux semaines derrière Wonder Woman. C'est et ça. Elle a intérêt à être bien. Le film a intérêt à être bien parce que 15 jours après, il y a Kingsman qui arrive, qui lui a eu un succès surprise. Donc si dans les 15 jours, Wonder Woman ne cartonne pas, c'est mort. Ouais. Après, on a Spider-Man Homecoming que je vois le juillet 17, ouais. Mais c'est peut-être pas à jour. Qui arrive encore du coup depuis deux semaines après, si ça joue. Après, on a le 3 novembre, Thor Ragnarok. Et le 17, Justice League, donc pareil, attention à Thor. Et le 17, c'est Justice League, c'est ça, exactement. Bon, après, c'est un Pixar, je m'en fous. Et puis, on a un Bloodshot qui est censé arriver en 2017 aussi, le premier film de l'univers Valiant chez Sony. Voilà. Parmi tout ça, voilà, un ou deux, peut-être pour donner espoir. Docteur par rapport au trailer, moi, ça serait Justice League, déjà, qui m'a... Ah, non, c'est le pire. Non, non, moi, ça m'a... Quand j'ai vu... Merde, comment il s'appelle ? Je sais plus. Enfin, les Batman, faut que je le revoie autrement que dans Batman vs Superman. Mais le trailer de Justice League, parce que c'est des nouveaux personnages au cinéma. Je pense que c'est surtout pour ça que je suis pressé de les voir, mais c'est vrai que si je dois dire si ça va réussir ou pas, je suis peut-être pas. Je suis beaucoup moins sûr de pouvoir affirmer que ça va être des bons films. Mais en tout cas, je suis pressé de voir même Doctor Strange, hein, parce que voilà, c'est quand même un nouveau personnage au cinéma qu'on n'a pas vu. À part si dans les années 60 ou 70, il y en a eu un, ça je sais pas. T'as dit quoi ? Vaut mieux l'oublier, ce Doctor Strange. Oui, bon, voilà, enfin, je sais plus. Donc, c'est vrai que c'est quand même hypé de voir des nouveaux personnages au cinéma, mais après, c'est vrai que comme film qui peut vraiment se dégager, bah, pour moi, ça serait Gardien de la Galaxie 2. Ok. Clément, c'est un autre, toi ou... Doctor Strange et Spider-Man. Bon bah, Léo, est-ce que je te pose la question Doctor Strange? Mais Léo n'est pas là, il a un petit problème de connexion, mais voilà, lui, vous aurez dit Doctor Strange, c'est sûr. Arnaud, Doctor Strange, t'as dit potentiellement? Ouais, mon plus grand regret, puisque au début, j'étais vraiment pas le plus convaincu par Doctor Strange, mais les dernières promos. Quand vous voyez la bande-annonce de Doctor Strange juste avant Suicide Squad, ouais. Ça vous fait un petit effet quand même. Vous êtes bien hypé pour le film. Et tu vois, ça t'aurait fait un gros effet. Vous voyez si tu l'avais vu après. T'es bien hypé si tu vois Suicide Squad. Voilà. Ouais. Donc, ouais, Doctor Strange, il y a un truc magnifique à faire visuellement. Ça rend bien la bande-annonce à voir après. Là, je pense que pour Doctor Strange, dans le débrief, on aura à dire en termes de réel. Mais ensuite, pour après. Pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de ressemblances avec du Nolan et du Inception. Hein. Oui, mais justement, ouais. ça peut être intéressant de voir aussi est-ce qu'il a réussi à se démarquer ou pas. Et oui, j'espère. On verra. Pour ma part, après, je suis bien curieux de voir Wonder Woman quand même. Mais... Putain, non, quoi. Maintenant, avec ce qui se passe, mais justement, j'étais bien hypé par Wonder Woman, hein, parce que la première fois qu'on voit quand même le personnage dans son propre film. Hein. Et puis la dernière bande-annonce rend bien, mais avec les deux derniers DC là et Suicide Squad qui est pire que tout, j'ai quand même très très très peur. Ouais. Pour ma part, ce sera Doctor Strange dans les films qui arrivent dans l'immédiat, et si on doit se projeter sur toute la saison, moi j'ai un Spider-Man Homecoming qui me fait de l'œil, un truc de fou, et Kingsman. Ah, oui. Personne ne pense à Kingsman Golden Circle, mais... Voilà, j'ai beaucoup beaucoup d'espoir dans ce film-là et du coup ça risque d'être le film qui me décevra le plus de la saison si la promesse qui a été faite avec le premier et qui est faite avec les petits teasers pour la suite voilà n'est pas tenue. Donc Doctor Strange et Spider-Man, je suis presque sûr de les adorer. Kingsman, gros point d'interrogation, mais c'est peut-être celui que j'ai le plus hâte de voir parce que voilà quoi. Moi j'admets que les Kingsman. Regarde une visibilité les deux, c'est pour quand ? Comment ? Il regarde Zone Visible 2, c'est pour quand ? Bah, ça serait pour fin 2017, début 2018, mais il n'y a pas de date encore. Ah. Moi j'ai envie de dire que là, après avoir vu Suicide Squad, je suis vraiment pas loin de faire comme Mathieu. Ah bah non, mais voilà, en fait, voilà. Ah, non, tiens, mais franchement, je suis vraiment pas loin. Là, je me pose la question, est-ce que quand Wonder Woman va sortir, je vais aller le voir direct ou je vais attendre de voir ? D'avoir les retours d'avoir les retours. D'ailleurs, je vous ai demandé vos notes, vous avez fait la moyenne, j'ai pas donné ma note. Non, je déconne, j'ai pas fait. voilà, juste histoire de conclure sur la Suicide Squad. Si vous aimez la Suicide Squad, visiblement c'est pas vers ce film qu'il faut se tourner. Ça sera du côté d'Urban Comics qui profite du film en ce moment. Vous avez les archives de la Suicide Squad tome 1 qui sort le 19 août. C'est du John Ostrander. Voilà, c'est excellent. Ça au moins c'est de la bonne Suicide Squad et vous avez la race de pages pour 35 €. C'est un gros volume. Sinon vous avez Deadshot et les Secret Six qui sort aussi. Là, début septembre, le 9 septembre, 264 pages. Pareil, c'est du Gary Simon et c'est excellent. Et si vraiment vous voulez être un peu complétiste et que vous avez quand même envie de voir un peu ce que ça donne l'univers Suicide Squad quand c'est bien, vous avez le Checkmate de Greg Rucka qui arrive aussi prochainement. Voilà. Pour le reste, c'est pas du côté de David d'ailleurs que ça se passe. Hein. Voilà. C'est sûr. Écoutez, voilà qui conclut cette. Cet été. Ah non, on a encore un petit truc à vous livrer avant de se trouver à la rentrée. C'est un débrief de Killing Joke. Ah oui, c'est vrai. Parce que Killing Joke, quand même, c'était le film. C'était, on va voir si ça l'est maintenant qu'on l'a vu. C'était le film d'animation le plus attendu d'une bonne partie de l'équipe pour cette année. Plein de promesses qui étaient faites. Maintenant, on va voir si, comme Suicide Squad, c'est peut-être la meilleure adaptation de cette saison finalement. Est-ce que c'est pas ça? On verra dans un tout prochain débrief qui arrive très, très, très, très vite. Sinon, bel été à tous, belle fin d'été. Merci Conan pour ta participation. Oui, merci à vous pour l'invitation et ça a été un plaisir de vous voir. On rappelle juste le nom de ton blog. C'est Crayon Flambé. Sinon, c'est @ConanMcFly sur Twitter. Comme ça, c'est comme Conan de Conan le Barbare et McFly de Marty McFly. Voilà. On vous mettra de toute façon dans notre tweet promo de l'émission. On vous mettra une petite info. Voilà. Merci à vous. Et le lien pour le site. Et puis écoutez, eh bien, messieurs, belle fin d'été et puis à bientôt. Salut. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not making you want to fight. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away.